Un peuple sans terre. Quand la lune sera pleine et que le soleil sera rouge, on verra alors sur la plaine un homme faisant brûler de la sauge. Sa peine sera immense comme la mer, car il aura vu la terre disparaître sous ses pieds. Les hommes machines l'auront dévoré les premiers pour en faire une nouvelle cité. Là où l'entraide et le respect n'existeront pas, tu piétineras mon enfant, mais tu le fais déjà. Ta soif d'ambition et de grandeur nous tuera, mais malgré tout cela, mon esprit survivra. Tant que le soleil brillera au-dessus de nous et que les rivières seront débordantes d'énergie, tu entendras nos rires les plus fous qui te poursuivront dans ton rêve maudit. N'enlève pas à la terre son dernier souffle. Permets à notre mère de respirer et de voir ses enfants courir à bout de souffle dans la nature qui est ma protégée.